La boussole, la boussole, la boussole. Clinical. Si je pars demain, dites à mes filles que je les aime. Les erreurs, je les aime, vous abandonnez, me mets le seum. Ouais. Si je pars demain, dites à ma femme que j'ai tout fait pour la combler d'amour et ce même quand je l'ai tout fait. Dites à ma mère qu'elle n'a rien à se reprocher. Non. Elle a juste fait un fils qui a le cœur dur à approcher. Dites à mon père qu'on se ressemble sur bien des points. Je pars avec ses défauts alors que j'ai déjà les miens. Pareil. Si je meurs demain, dites à mes potes qu'ils m'ont construit, qu'ils m'ont tous apporté, même s'il y en a certains qu'on fuit. Dites à ma sœur qu'on s'est raté à un moment. Me demandez pas comment, des fois c'est pas le cœur qui commande. Non. Si je crève demain, je vivrai toujours par mes sons, car j'ai pas trouvé d'autre mission que d'écrire avec passion. Pardon. Si je pars demain, pas besoin de me pleurer, juste un verre à lever et un cercueil à effleurer. Si je pars demain, je veux ma boussole en tête de pont. Je veux qu'on chante, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Ravale tes larmes, je te le dis d'entrée. Va pas te planter, tonton, c'est arc aboutissement. Souvent le sentiment d'être de trop. Ah ouais. Dites à ma gamine, ne t'attarde pas sur le malheur. Que tout ce que je pouvais t'apporter, chérie, tu l'as déjà en souvenir. Mais si un tel s'en prend à toi, sur la tête de mes phalanges, un fantôme le hantera lui et c'est mort. Si je pars demain, je veux du Jedi là en bande son. Je veux que ça swing dans tous les sens, que ça soulève des bancs sables. Dites à mes frangins, je vous aimais bien les gars, tu sais. Et vu que t'es bon comme du pain blanc, je vous laisse la petite les yeux fermés. Dites à ma daronne, destin de l'arc sans baluchon. Mais t'as élevé poignée d'abeilles, développant puissance d'une ruche. Dites aux miens qu'il est compliqué de tout caser dans un 16. Et que si je pars demain, c'est que c'est le moment de foutre le feu sur scène. Si je pars demain, je vous laisse un paquet de pages parsemé de pensées. Le fond d'une de mes poches, le peu de casque que j'ai pas dépensé. Tenez, je vous laisse mon français, censé qu'il paraît sordide. D'un paquet de prod et les espoirs de voix qui traînent sur l'ordi. Allez, prenez tout ça, je vous laisse ma piole quand passe la fumette. Ouais. Le fond d'un pot de tabac, quelques briquets, une boîte d'allumettes, des cadavres de bouteilles, de trois tons car au fond d'un cendrier. Je vous laisse entre mes doigts la fin d'un cul, je suis parti sans griller. Voilà. Je vous laisse un paquet de bordel, mon corps entouré de corneilles. L'agonie d'une ampoule, mes tripes en boule au fond de la corbeille. Le sol de mon appart, fraîchement repeint de couleurs vermées. Ouais. De valises pleines à crack, tu trouveras sous mes yeux fermés, peu de merveilles. Je vous laisse une mère en crise de panique. Rêvant de me voir sourire, sinon que ma petite mine grise ne pâlisse. Avant qu'on me balise, viens voir, je te laisse un dernier soupir. Avant. Ma gueule de con, un petit jeu de mots en guise des derniers si souvenirs. Si je pars demain, je vous laisserai mon patrimoine, quelques carnets auditifs pour vous rappeler ma mémoire. Je n'ai plus rien à offrir, je tenterai d'effacer les dettes. Que ce que je vous rappelle soit le sourire de votre père. Si je pars demain, sachez que j'étais en paix, un brin trop tourmenté, je l'ai calmé dans les râpés. Si je pars demain, j'aurai retrouvé ma mère, même s'il aura fallu attendre l'arrêt cardiaque de mon père. Si je pars demain, j'espère au moins péter les streams. Le succès nous évite, faut bien nourrir ma famille. J'ai passé l'arme à gauche, s'il vous plaît séchez vos larmes. Je vois le chagrin dans mes rimes, prenez ce texte pour 30 ans d'âge. Si je pars demain, c'est que mon heure était venue. Croyez-moi, je suis mort heureux de vous avoir connu. J'ai une pensée pour ma femme, j'ai dompté la tristesse. Même si mes phases malheureusement font souvent rougir ses prunelles. Si je pars demain, y'a tant de choses que je pourrais pas me pardonner. Ah ouais. Je te parle de mes rêves abandonnés, de mes regrets qui me pendonnaient. Le sort est scellé, j'ai au moins croisé l'amour sur ma route ensorcelé. Chaque jour un peu plus sa mort sur mon voûte. Si je pars demain, je préfère même pas y penser. J'ai pas les cartes en main et je finirai par y passer. Mais si je me fais la malle vers des contrées célestes, quand tout ira mal, je me rappellerai du jour où j'ai rencontré ses lèvres. Si je pars demain, sachez que rien n'est éternel. Dites à ma mère de sécher ses larmes, là je m'en fume un avec le paternel. Vu que l'argent se fait rare pour mes obsèques, un carton troué suffira. Je me fous bien d'avoir les os secs si je manque à l'appel. Vider mes comptes avant que l'État ne le fasse. Dites à ma belle que je l'aime et que la peine seule le temps l'efface. Quand la faucheuse me dévoilera sa véritable face, je me tiendrai droit et de mes doutes je ferai table rase. Clinical.